tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 620 et ça va être un spécial 100% macarné avec en plus une libre antenne ouverte. Alors j'ai un petit problème ce soir, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si pour vous c'est pareil, pour moi Facebook est en carafe, je ne peux pas publier, je l'ai essayé sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le téléphone, dès que j'essaie de publier quoi que ce soit, ça me marque... Ça se met en rouge et ça met re-essayer. Donc, ah ben voilà, j'ai déjà un message de Rook Lebarge qui dit « Facebook est indisponible. Eh bien, il va falloir qu'on fasse sans, les amis. » Je vous donne le numéro de téléphone de la station, mais attention, vous ne téléphonerez pour parler du concert de McCartney que lorsque je vous donnerai le top, s'il vous plaît. C'est le 05 56 35 31 31. Rappelez-vous, 05 56 35 31 31. C'est érigé et il n'y a qu'une seule ligne. Donc, si ça sonne occupé, ne vous en formalisez pas, vous attendez que ça ne sonne plus occupé. Voilà, je vous donnerai, de toute façon vous entendrez, si vous écoutez RG, si vous arrivez au moins à entendre cette station, ce que je souhaite, eh bien, c'est à moitié gagné. Voilà, on va faire sans Facebook pour une fois, ça va marcher comme ça. On va écouter In Spite of All the Danger, il y aura également I Lost My Little Girl, il y aura I Saw Her Standing There, Kansas City, Hey Hey Hey, et Things We Said Today pour le début de cette émission. Habituellement, je vous dis de nous retrouver sur Facebook, mais là où ce soir, ou alors avertissez-moi par téléphone, puisque certains ont mon numéro, si jamais ça redémarre, parce que là, pour l'instant, c'est un échec cuisant. Bon, eh ben on y va quand même. C'est moi qui commence et je parle. Et je vais vous dire mon impression de Paul McCartney du show que j'ai vu le 5 décembre. D'abord, j'avais un a priori. Je l'avais vu pour la dernière fois en 2016. Je m'étais dit, la voix est fatiguée et j'en ai marre qu'il chante toujours les mêmes chansons. Eh bien, figurez-vous que là, ces deux jours de concert, c'est ce que tout le monde a dit, la voix était bien meilleure. J'en veux pour exemple la chanson « Maybe I'm Amazed ». Quand il a commencé cette chanson là, le 5 décembre, je me suis dit, oh non, parce que en 2016, je me souviens de m'être dit, il ferait mieux de plus la chanter parce que ça ne passe pas. Quand il doit monter la voix, elle ne monte pas assez fort. Et ben là, elle est passée très très bien. Il y avait des moments où on se rendait compte un petit peu de la voix qui a vieilli un petit peu, mais globalement, et la plupart du temps, est toujours un charisme extraordinaire, un bonheur de jouer devant nous. J'ai adoré ce concert. Et puis, l'autre critique, celle dans laquelle je disais « il joue toujours les mêmes chansons ». Oui, alors ça sonne, vous attendez s'il vous plaît. Eh bien, il chante toujours les mêmes chansons, d'accord, mais qu'est-ce que c'est bien. Voici le premier titre, je vais répondre quand même à la personne qui téléphone pour éviter, mais c'est trop tôt, c'est trop tôt. Ça, c'est l'entrée du concert en vrai, en 2005. Le 5 décembre 2024. Long time ago before the Beatles, and we're gonna sing a song This was the first song that we ever recorded with the Beatles. This is the la première chanson que les Beatles ont enregistrée. Je voudrais aussi vous faire part d'une interview que j'ai trouvée aujourd'hui d'ailleurs sur le net à propos de Paul McCartney. C'est lui qui parle. Il dit « Si je ne fais pas de show qui dure moins de 2h30, 3h, je ne vais pas sur scène dans un stade bondé par un public qui a souvent épargné pendant des mois pour venir me voir en live. Je suis pleinement conscient de mon rôle dans la pop culture pour les Beatles, pour l'histoire, avec un grand H. » J'ai actuellement 70 chansons dans ma playlist que tout le monde connaît et que chacun voudrait me voir jouer. Moi, je voudrais en voir jouer beaucoup plus encore, mais bon, c'est peut-être mon côté grand fan. Voilà. Je ne peux pas jouer tout en raison du temps que ça prendrait, mais ma playlist a 40 chansons. Je garde le basique, ce qui me semble approprié, et je m'aventure sur 2 ou 3 chansons. Oui, ça a fait beaucoup de musique laissée derrière. C'est le poids que je porte pour avoir été un Beatle. J'essaie toujours d'être efficace pendant mes concerts et la réponse que je donne à Paul McCartney, c'est oui, c'était très efficace, c'était très très bien. Allez, on laisse passer une chanson et après vous pourrez appeler pendant la chanson au 05 56 35 31 31 si vous avez vu Paul McCartney en concert récemment et on va en parler. Je vais vous demander votre nom, d'où vous appelez et comment ça s'est passé pour vous. 05 56 35 31 31. Well, I woke up late this morning, my head was in a whirl. Only then I realized I lost my little girl. Well, clothes were not expensive, I heard an always girl. I don't know why I loved her, but I loved her. Thank you, thank you. Vous avez reconnu. Et là, grande surprise, j'espère que ça va bien se passer. On devrait avoir Jean-Paul. Jean-Paul, est-ce que tu es là? Non, c'est pas ça, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Jean-Paul, est-ce que tu es là? Allô? Jean-Paul? Eh bien, je ne l'entends pas. Ah, voilà qui est dommage. Eh ben, écoutez, on va mettre la chanson suivante et puis je vais voir pourquoi ça ne marche pas. Parce que là, j'ai des éclairages qui sont un petit peu bizarres. Peut-être que Jean-Paul raccroché ou c'est moi qui ai raccroché sans le faire exprès. Ça, on va y arriver, hein. On va y arriver. Je lance une autre chanson. À tout de suite. Là, ça fonctionne. Jean-Paul, est-ce que tu es là? Bon, alors moi je ne l'entends pas, je ne sais pas si lui m'entend. Ah, bon, eh ben, je n'entends pas Jean-Paul, c'est dommage. Je fais un piètre animateur. Je me rends compte que je me suis trompé. J'appelais Jean-Paul. Du coup, Laurent ne répondait pas, bien sûr. Alors, on va voir peut-être là, cette fois-ci. Laurent, est-ce que tu es là, Laurent? Allô? RIG, bonsoir. Là. Ah oui, ça y est! Ça y est! Ah, enfin, quand même! J'ai trouvé le bon bouton, le bouton qui manquait. Ah, bon, Laurent, donc. Bonjour, Thierry. Bonsoir, oui, tout va bien. J'ai compris maintenant. Ça y est, on va pouvoir le faire. Alors, tu appelles de la région parisienne. Exactement, j'habite dans le 78, oui. À 15 minutes de l'URNA où Paul s'y produit il y a quelques jours. Oui, alors moi j'étais à 500 mètres, j'étais à l'hôtel. Ah bah oui, forcément, t'as triché par contre. Oui, mais enfin parce que moi j'habite vraiment à côté. J'habite un peu plus loin. Alors qu'as-tu pensé du concert de Paul? Eh bien déjà, moi, la dernière fois, je sais plus si c'était 2014 ou 2016, mais comme toi, à l'époque, même la presse avait parlé de sa voix qui baissait de plus en plus. Et en effet, bon, bah après, bon, c'est quand même mon idole et je m'en étais pas trop aperçu parce que voilà, quand c'est ton idole, c'est ton idole. Oui, quand on est avec lui, il a le charisme. Exactement. Qui fait qu'on lui pardonne. Exactement. Mais la presse en avait beaucoup parlé et oui. Tout le monde parlait après de ça. Et cette fois-ci, bah, toute la presse et même nous, en fait. Oui. Alors, il faut dire qu'il avait bénéficié de 15 jours de repos après l'Amérique du Sud. Il a raison. Mais clairement, voilà, la voix, elle était vraiment là. Bon, je pense qu'il a peut-être aussi fait des choses côté médical et avec des coachs pour l'améliorer. Mais en tout cas, la voix était vraiment là. Il a 82 ans, le garçon. Oui. Il a 82 ans. Enfin, regardez autour de vous, les gens de 82 ans. est-ce que, moi, je les vois plutôt avec des déambulateurs, presque. Et lui, il est là, il fait le show. Il est debout tout le temps. Il y a très peu de musiciens. Il y a très peu de musiciens, en fait. Ils sont cinq musiciens, plus ses trompettes. Et ils font du son de fou. Oui. Et Paul, il est toujours sur scène. Oui. Et il ne s'épargne rien. Il joue de tous les instruments. Il joue de la basse, il joue de la guitare, il joue du piano. Il joue de plein d'autres petits instruments. Il joue du ukulélé pour rendre hommage à Paul. Enfin, à Georges, excuse-moi. Oui, oui. Et vraiment, il les fait, quoi. Les solos, il les fait. Il fait tout. Il ne s'épargne rien. J'ai été très touché lors de son hommage à John, que sur les écrans, on voit John à l'image et à aucun moment il y a eu Paul à l'image. Lui, il était sur scène, il était au piano, mais on ne le voyait pas à l'image. Je me suis dit, il s'efface pour laisser son pote devant. C'est chouette. Ouais, mais moi je pense que c'est aussi une histoire de... En fait, il se fait plaisir, en fait, il fait un duo avec son ami d'enfance, oui. Il fait un duo avec son pote. il est en face à face. Voilà. En plus, le 5, pour ceux qui n'étaient pas venus, le 4, le 5, on est la petite surprise, c'est que Peter Jackson était dans la salle quand même. Oui, je sais pas où il était. Il l'a annoncé. Il était un peu devant, quand même, voilà. Mais en tout cas, quand je lis tous les articles de presse qu'on a lus depuis quelques jours, c'est dithyrambique. C'est-à-dire que tout le monde encense Paul sur sa performance qui est incroyable. Enfin, à 82 ans, Helter Schecter. Oui. Helter Schecter. À 82 ans, faut le sortir quand même. Ça et passe. Il le fait à fond, quoi. Et il le fait en fin de show, au moment où il devrait avoir la voix fatiguée, non? Exactement. Quoi. Bon, il est un peu soutenu, évidemment, les autres, ils sont un petit peu derrière pour soutenir la voix. Évidemment, c'est un vieux monsieur qui perd sa voix, mais quand même, voilà, enfin, c'est. Si on nous avait dit, il y a 30 ans, que Paul McCartney tournerait à 82 ans, il ferait encore un show comme ça, de 2h45, enfin. La première fois que je l'ai vu, c'était en 89. J'avais 25 ans, il en avait 47. Et à l'époque, du haut de mes 25 ans, je m'étais dit, il se débrouille bien, le vieux, pour 47 ans. Oui. Des baffes. Mais c'est vrai. Non, mais c'est juste hallucinant, quoi. C'est juste hallucinant. Et Livon Let Die, c'est un moment extraordinaire parce que ça peut être de partout. Il y a très peu, à part Rammstein, de gens dans le rock qui font un show aussi exceptionnel sur une chanson, quoi. Enfin, c'est vrai. Là, pour le coup, j'ai senti que tout le monde lui rendait presque déjà hommage parce que il est unique. Tout le monde se rend compte de son unicité dans l'histoire du rock et à faire lui tout seul, à repartir. Enfin, c'est pas. Là, on a beaucoup de groupes là, qui font des tournées, enfin, AC/DC, mais lui, il est tout seul. Il est tout seul sur son nom. Et il remplit des stades, il fait des tournées mondiales et il n'arrête pas. Et quand il s'en va, il nous dit au revoir. Il nous dit pas adieu, il nous dit à la prochaine. Oui. À la prochaine. Oui, je te remercie beaucoup d'avoir appelé. On va laisser quelques minutes passer. Ça marche. Moi, je vous fais des bisous parce que demain, je prends l'avion pour Manchester et je vais le voir encore dimanche à Manchester. Donc, tu vois, tu lui envoies le bonjour. Voilà, exactement. Si je le croise dans les couloirs ou dans un pub, on ne sait jamais, je lui ferai un bisou de ta part. Et tu lui parles de la saga des Fab Four. Voilà. Ça me ferait plaisir. Et je fais un gros bisou à Faye. Kiss my Faye. Ça marche. Merci d'avoir appelé. Ciao. Au revoir. Salut. You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Je voudrais vous rappeler qu'il y a trois moyens de tout savoir sur les Beatles. Il y a le site Maca Club qui parle évidemment de Paul McCartney, que vous retrouvez sur le net et également sur une page Facebook.

anniversaire de ma première fois, 1989, sorti en 1990, Tripping the Live Fantastic, Sgt. Pepper, avec un entre deux, vous avez bien entendu, et Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, la reprise. Lorsque j'ai entendu ça, c'était la première fois qu'il le faisait. Et autant vous dire que là, j'étais fou, j'avais que 25 ans, je hurlais les chansons, et j'étais sorti du concert complètement à faune. Je vous propose de repasser une autre chanson en live qui dure 6 minutes. On va dire dans 5 minutes, aux alentours de 20h40, vous pourrez retéléphoner au 05 56 35 31 31. Si vous appelez avant, ben je vous mettrai en attente et on pourra reparler, si vous le souhaitez, de ce fantastique concert qui a eu lieu. C'est deux fantastiques concerts, les 4 et 5 décembre. 05 30 56 35 31 31. Mais attendez 5 minutes. Lady, let's eat at home. street the other day. Oh, now who did I meet? I met a friend of mine and he did say, man, I can smell your feet a mile away. Smell away, smell away, smell away. Yeah, smell away. Smell away, smell away, smell away. Yeah, smell away. Take it better. McCartney en concert, mesdames, messieurs. Et nous avons en ligne Stella. Stella, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Ah, ça me fait plaisir parce que tu es une des piliers de la saga des Fab Four. Ça me fait réellement plaisir de t'entendre. Alors, tu nous appelles d'où ? Alors, j'appelle de Cutoli-Corticiate, qui est un petit village à 20 km d'Ajaccio. D'accord, Ajaccio, je place, mais Cutoli, je ne sais plus trop quoi, je ne place pas. Mais d'accord, 20 km, c'est à côté. Merci, merci d'avoir répondu à mon appel parce que ça marche très bien. Tu es donc allé voir Paul McCartney en concert. Alors oui, donc j'ai fait le déplacement depuis la Corse exprès. C'était une aventure comme à chaque fois, beaucoup d'émotions. Bon, on avait cassé la tirelire, on est allé en famille. On avait pris des places. Bon, on n'a pas pu avoir de place pour le 4, mais on est allé le 5. Ça tombe bien, moi aussi. Et on est allé voir le soundcheck. C'est déjà une expérience formidable. Je ne l'ai jamais fait. Et le concert, c'était bon. À chaque fois, c'est super. Une arène pleine à craquer les deux soirs, une voix au top. Oui. Et bon, il a dit qu'il reviendrait. Et tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Paul a dit qu'il allait le voir à Manchester. C'est Laurent. Ah, on s'est dit, on aurait dû aussi, mais bon, oui. le compte en banque ne peut pas suivre. Oui. Donc, écoute Stella, je te remercie. Et quel était ton premier concert, toi, de Paul McCartney ? C'était quand ? Alors, mon premier concert, c'était tard. Hein. Pourtant, je suis une fan de longue date, fan depuis 1976. Oui. Mais mon premier concert, c'était le 30 novembre 2011 à Bercy, assez tard. Bon. Mais depuis, je l'ai vu cette fois. Voilà. Je crois que j'en suis au même niveau. Je crois que je l'ai vu 7 fois, alors que mon premier, c'était en 1989. Voilà, tu as commencé plus tôt. Ouais. Je te remercie beaucoup, Stella. Merci beaucoup. On va laisser passer de la musique et merci d'avoir appelé. À bientôt. Oui, bisous à tous les rigueurs. Oui, merci. Je reste à l'écoute. Merci. Au revoir. Au revoir. Un petit conseil pour les prochains appels, je renoncerai ça dans 10 minutes, un quart d'heure. Restez au téléphone et éteignez votre radio ou votre ordinateur ou mettez le son sur off de façon à ne pas avoir un retour de 20 secondes au moins. C'est plus difficile. Voici Just Because en live. Just because you think you're so pretty. And just because your mama thinks you're hot. Just because you think you got something. Nobody else has got it. It's cause we do spend all the money. I knew you like calling a horse and a call. I'm telling you, baby, soothe you. Because we're all just because, yeah. Shine up through the pavement, council houses string by trousers, ziggy packs and long black jackets, ties are laced, and it's all in the name of good taste. Good taste, nobody knew what we knew then, good taste. Look at the boys turn into men, good taste. Nobody knew what we knew then. Look at the girls turn into women. Turn into women. Some of the girls turned into women. In the summer of 59. Le grand Paul McCartney. Ce soir, on fait vraiment une spéciale. Vous pouvez appeler à peu près tous les 10 minutes, un quart d'heure. Je vous passe à l'antenne et on pourra discuter de ce show. Vous pouvez discuter de la saga des Fab Four si vous le souhaitez aussi. Mais on va laisser passer quelques musiques de façon à ne pas ne pas irriter l'oreille de certains auditeurs qui disent « Oui, mais non, on veut du Paul McCartney, on veut de la musique, ça nous intéresse pas de t'entendre à la radio. » Bon, d'accord. En tout cas, Summer of 69, c'était il y a quelques instants, et cet extrait de... c'est la phase B de Jenny Rain, le single en 2005 sur Chaos and Creation in the Backyard, mais cette chanson-là, vous ne l'avez pas sur l'album. On continue encore une, deux chansons et puis vous pourrez re-appeler au 05 56 35 31 31 dans deux chansons, donc une dizaine de minutes. 1, 2, 3, 4. Foolish thing last night. I didn't think you'd take it back. But now I'm on my way again. And just before I go, only one more kiss. La radio des Beatles. Gentlemen, I'm sure you'd like to be the first to know. We got the tapes. Everything a flutter. Ooh, another lonely night. My day forever. Only got each other to blame. It's all the same to me. No more. Version en 1984 sur l'album Give My Regards to Broad Street. Ce soir, il y a deux choses qui sont particulières par rapport à l'habitude. D'abord, Facebook est en carafe, donc on ne peut pas discuter sur Facebook. Et ensuite, dans cette saga qui va marquer son ère, j'espère, puisque c'est une saga juste après le concert de Paul McCartney, les deux concerts, les 4 et 5 décembre à Paris, je vous ouvre l'antenne, vous appelez au 05 56 35 31 31. Et vous me parlez de votre concert de Paul McCartney. Attention, lorsque vous passerez à l'antenne, vous mettez sur mute pour votre ordinateur de façon à ce qu'il n'y ait pas de latence entre moi qui parle et vous qui m'entendez et inversement. Il y a environ 20 secondes facilement ou 15 secondes entre l'internet et le direct. Donc, lorsque vous passez à l'antenne, vous éteignez tout sauf le téléphone. On passe une chanson, j'attends vos appels 05 56 35 31 31 sur RIG 90.7. On s'est marié en 89. C'est Paul McCartney sur RIG. Going fast, coming soon. We made love in the afternoon. Found a flat. After that, we got married. Times were bad, we were glad, we got married. Like the each other. When you find the meeting of the minds, it's just as well. Love was all we ever wanted. It was all we ever had. Further on in the game, waiting up till the children came. Place your bets, no regrets. We got married. Commencez à appeler au 05 56 35 31 31 parce que la dernière personne n'a pas voulu passer à l'antenne. On a eu une discussion quand même bien sympathique. Donc merci à elle et allez-y, 05 56 35 31 31. Il n'y a rien à gagner, juste parler du concert de Paul McCartney. cette chanson, moi ça m'aurait fait plaisir, mais Paul m'aurait dit cette chanson n'est pas assez connue, donc je vais chanter autre chose. Et il a raison, Paul McCartney. En tout cas, nous avons un nouvel auditeur en ligne. Bonsoir Yann. Bonsoir. Ah, ça me fait plaisir Yann. Tu appelles d'où s'il te plaît? J'appelle d'Evreux en Normandie. Bien, bon, c'est ça qui est bien. L'Internet, on peut recevoir RIG sur l'ordinateur et c'est absolument parfait. Tu es allé à quel concert? Alors, je suis allé au concert du 4, le premier. Ah oui, donc on ne s'est pas croisé. Parce que je ne suis allé qu'au 5, mais il paraît... Alors, certains disent la voix sur le 4 était bonne et était meilleure sur le 5, et d'autres disent qu'elle était parfaite dans les deux cas. Moi, je pense que ça doit être ça. Alors, nous on l'a trouvée assez bonne, franchement, le 4. On était avec Christine, d'ailleurs. Oui. Et on a trouvé que la voix était bonne. Elle n'est pas parfaite non plus, hein, ce n'est pas la voix des années 90. Non. Ni des années 2000, mais largement meilleur que la fois précédente, en 2018. Alors moi, c'était en 2016, mais j'avais eu la même réflexion, surtout le Maybe I'm Amazed, je me disais qu'il arrête de la chanter, qu'il chante autre chose. Et non, il a raison, elle est très très très bien passée, le 5. Non, c'est vraiment... Bon, après, il est bien soutenu par son groupe quand même. C'est vrai. Au niveau vocal, sur les refrains, etc., on sent bien que... Il y a du punch parce qu'ils sont avec lui, mais je trouve qu'il a retrouvé quand même un peu plus de voix qu'il n'avait. Oui, et je pense que c'est parce qu'il, jusqu'à cette tournée-là, il faisait une tournée en un an à peu près. Alors que là, il met plus de temps, mais il laisse plus de temps à sa voix pour se reposer. Oui, bah, il a raison. Il a raison. Parce qu'il a aussi, faut qu'il se ménage. Bah oui, il n'y en a plus beaucoup hein, des gens à cet âge-là qui sont sur la tournée et surtout qui ne s'assoient jamais, qui ne boivent jamais et qui est tout le temps présent à l'écran, quoi, sauf les 5 minutes pour le rappel, où il doit peut-être boire sa tasse de thé, et encore. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, on a été ravis. Oui. Tout le monde était ravi, en fait. Voilà. Tous les fans qui connaissent et qui sont déjà venus au concert étaient ravis. Donc je pense que c'est quand même un signe. Oui, ben, c'est un signe qu'à la prochaine, il reviendra et on sera là. Ben oui, on sera là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a vraiment été ravis de se voir, en fait, tous les fans. C'est vrai. Et on est un peu tous disséminés en France. Et le fait de se voir, de se croiser, de voir un coup ensemble, de faire une photo, c'est vraiment super. Ouais, Paul nous a rassemblés une fois de plus. Merci à toi, Yann. Je te souhaite une bonne soirée. Tu es un pilier de la saga des Fab Four aussi. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. On laisse passer 2-3 chansons et on pourra re-appeler si vous le souhaitez au 05 56 35 31 31 pour parler du concert de Paul. Merci en tout cas à tous ceux qui sont passés. Je n'ai rien à vous faire gagner, mais vous avez ma grande considération. the Ground dans la saga des Fab Four numéro 620. La spéciale McCartney dans laquelle vous pouvez exceptionnellement téléphoner au 05 56 35 31 31 pour parler du concert. On laisse passer deux chansons et si vous voulez téléphoner, vous pourrez et on passera à l'antenne. Yes, me, sur le CD single de No Other Baby en 1999, ce fantastique album qui s'appelait Run Devil Run. Je vous attends au 05 56 35 31 31 pour parler de McCartney. On va prendre un dernier appel parce qu'après il restera une grosse demi-heure d'émission, donc ce sera peut-être un petit peu tard. Donc un dernier appel, 05 56 31 31, après ça. Hey! 90.7, c'est la radio des Beatles. Sunday morning, sweeping like a nun. Monday's En entendant cette chanson-là, ça me rappelle qu'il y a eu une première partie, enfin, si on veut, c'est un DJ qui passe de la musique de Paul remixée, et nous nous sommes posé la question si on pouvait trouver quelque part certains morceaux de cette musique remixée. C'est pas toujours formidable un remix, mais là, il y avait une version de Early Days de Paul McCartney qui était plus rythmée et qu'on a trouvé plutôt drôlement agréable. Alors ce n'est pas le Early Days qu'on écoutera d'ailleurs qui est dans la programmation qui fait appel aux souvenirs, c'est un Early Days qui donne peut-être plus envie de chanter, mais c'est plutôt très très sympa. On se passe un petit slow et après j'espère avoir quelqu'un au 05 56 35 31 31. Ce sera la dernière personne à l'antenne. Same Love, c'est la face B de Beautiful Night en 1997. Très belle chanson de Paul McCartney. Je suis gâté parce que le dernier appel est fait par Julie. Salut Julie, comment vas-tu ? Julie, tu es là ? Ah, j'entends très mal. Oui, je suis là. Bon, ben, moi je t'entends très très bien. Tu nous appelles d'où, s'il te plaît ? Alors, de Franche-Comté, du pays de Montbéliard. Avec les saucisses. Avec les saucisses de la Cancoyotte. Et aussi, malheureusement, le pain au chocolat. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas grave. Alors, quel est le concert que tu as vu ? C'est celui du 5. Oui, le 5 décembre, avec toi. Oui, c'est pour ça que je le sais. Comment, qu'en as-tu pensé ? Oh, c'était super. La voix était mieux, bah, tout le monde le dit, mieux que ce qu'on pensait. C'est vrai. Et le médium ouais. se dépassait. On l'entendait de temps à autre, un petit moment où on sentait la voix un peu plus faible. Mais globalement, oui. C'est très très oui. bien. Ouais, très très bien, ouais. Agréablement surprise. Et puis après, il y a eu, comme tout le monde l'a dit aussi, les rencontres après, organisées beaucoup par le Maca Club. Hein, Dominique Grandfils, ouais. on lui fait un grand merci parce que ouais, c'était une vrai. Très très bonne idée. Bon, il y a eu des gens qui ont eu la gentillesse de venir me dire bonjour aussi à moi. Donc ça, c'était sympa d'avoir la reconnaissance, quelque part, de la saga des Fab Four. Mais, ah oui, je voulais te poser une question. Quel a été ton premier concert de Paul McCartney ? Alors, c'était le 10 décembre 2009 à Bercy. En gros, 20 ans après moi. Puisque moi, c'était... Exactement, 20 ans après toi, oui. Puisque c'était le 10 octobre 89. Tu vois, ouais. donc on est pas loin. Bon, eh bien, écoute, je te remercie. Tu es la dernière personne que je prends à l'antenne parce qu'en théorie, dans 25 minutes, et on va pousser un peu, ce sera la fin de la saga des Fab Four. Je te remercie beaucoup d'avoir appelé. Mais de rien. Et je te fais des grosses bises parce qu'on se connaît quand même. Et je te dis à très, très bientôt. À très, très bientôt. Merci, bisous. Merci, Julie. Ciao. Salut. Many people merci à Laurent, à Stella, à Yann et à Julie. Quatre personnes qui se sont passées à l'antenne et quatre personnes pour les quatre Beatles. On a fait le tour. Donc, c'est terminé. Je ne passe plus personne à l'antenne, mais un grand, grand merci. Je suis touché parce que j'avais pas la moindre idée de si ça allait marcher ou pas. Et ça a plutôt bien marché. Il y a même des personnes qui ont appelé. On a tapé un petit peu la discussion, comme Jean-Paul, par exemple, et d'autres, qui n'ont pas voulu passer à l'antenne, qui voulaient juste dire un petit merci pour cette émission qu'ils écoutent depuis longtemps, même s'ils n'interviennent pas sur Facebook. Bon, là, il y aurait des problèmes aujourd'hui, puisque Facebook, apparemment, est en carafe. Mais on fait la saga des Fab Four quand même, pour ceux qui écoutent la FM sur 90.7, pour tous les autres qui écoutent sur www.rigfm.fr. Souvenez-vous, en concert, il nous loge toujours celle-ci aussi. Hey Jude. En décembre 2007, lors d'une soirée réveillon chez Jules Holland, un copain qui a travaillé avec George Harrison et qui connaît Paul McCartney, il a chanté avec Kelly Minogue « Dance Tonight » sur RIG. To lay low. like snow in the night. Encore une chanson que vous ne retrouvez que sur le single Jenny Rain en 2005. Rappelez-vous aussi le clip en... C'était quand ? C'était sur Memory Almost Full, il me semble. Oui, c'est la chanson sur laquelle, pour une fois, il n'a aucun instrument dans les mains. Et c'est très rare chez Paul McCartney. Et il danse. C'est encore plus rare chez Paul McCartney. Et bon, la danse est assez facile parce que j'avais vu un making-of avec les danseuses qui disent « Bon, la danse, oui. » Oui, mais c'est Paul McCartney. Et à l'époque, il avait 65 ans, en 2007. C'est Ever Present Past. J'adore cette chanson sur Memory Almost Full. I've got too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered. I hope there's something to find. Searching through the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I think I did. The things I think I did when I was a kid. I couldn't understand the words that they were saying, but still I hung around and took it all. Too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. Si ça avait été le cas, j'aurais terminé à l'heure, puisqu'on aurait démarré le générique maintenant. Mais il reste 5 chansons. Eric n'est pas là ce soir, je le dis à ceux qui l'ignoreraient. Donc il vous envoie des grosses bises, il va bien, hein, mais il est très occupé cet homme-là. Il est fantastique, il prépare des émissions extraordinaires, vachement bien faites, Johnny de A à Z. Je vous le conseille. Allez, encore 5 chansons et après on s'en va. On monte les années, vous avez remarqué, on était en 2007, on se retrouve en 2008. The sky is filled up with storms and heavy rain, and trouble starts sliding across the line. J'espère que les hommes vont faire Lady Shine On. Tous ensemble, les hommes. Take. I know I need to find a way to leave it all behind. Let's shine on, let's shine on. Sliding across. Sur RIG, rappelez-vous aussi sur l'album New en 2013, Early Days sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles, une spéciale McCartney aujourd'hui. They can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laugh. Je laisse Paul McCartney vous parler de la prochaine chanson. Do it now is an expression my dad used to say. It's funny, you know, as you get older, you remember things that your parents or maybe teachers or friends said. And if there's a catchphrase, and my dad's big catchphrase is, well, do it now. You know, you'd sort of say, no, well, I'll do it later. He said, well, no, do it now. And he used to say D-I-N. So that was just his particular little catchphrase. And I always thought D-I-N, that's a great name for a record label. Din. You know, so anyway, this has always been in my mind, this do it now thing. So I was looking for an idea to write a song about. So then I started off, okay, I'm on a journey. I've been invited to go somewhere. So I'm going in my imagination somewhere. And the idea is that if I don't do it now, I may never get to this place. Basically, as a song, imaginary journey suggested by the fact that my dad would have said, go on that journey now. Don't leave it till it's too late. So there it is. Do it now. Got the time, the inclination. I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning. Watch me go. I don't know where the wind is blowing. Got directions to where I'm going. Nothing certain. That's the only thing I know. Do it now, do it now, while the vision is clear. Do it now, while the feeling is here. If you leave it too late, used to be afraid of days like these, but now you're open. find my way. I know my left from right, because we never close. I'm open day and night. Album studio en date de Paul McCartney, c'est McCartney 3. Bon d'accord, depuis il nous a sorti Ben on the Run, version remixée, etc. Mais je compte pas ça tout à fait comme un album de McCartney de maintenant, même si je lui en suis très très reconnaissant. Vous en prendrez bien une petite dernière avant de partir ? Allez, cet extrait de du single Off the Ground en 1993. Voici Long Leather Coat, dernière chanson de la saga des Fab Four, spéciale Paul McCartney. I'm all alone, said she. No one to phone, no one to touch me. On the way, said the man in the long leather coat, as he started his car. I'm glad you came, said she. You got my note, you understood it. Smiled as he hung up his long leather coat on the back of the door. Still riding. Help yourself to a handful of everything inside and let the party begin. Slow on, baby. Still riding. Help yourself. laisse le dernier mot à Paul. Ça, c'est Julie. C'est fou! Thank you, merci beaucoup. You've been a great audience tonight. We've loved it. And only thing left to say is... À la prochaine. À la prochaine. Merci Julie, et à la prochaine, c'est moi qui le dis juste avant Paul. Merci à tous et à toutes, c'était une grande première pour moi. Je n'avais pas passé de gens au téléphone depuis je ne sais pas combien d'années, mais vraiment très très très très longtemps. Et ça a marché pas mal, et ça m'a fait plaisir, et j'avais envie de ça. J'avais besoin de faire une émission spéciale parce que je suis encore épaté par cet extraordinaire concert que Paul nous a fait le 5 décembre, le 4 aussi. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu. Rappelez-vous, quand Eric n'est pas là, toujours un petit peu de rab juste après. Je vous dis pas ce que c'est, je vous dis que c'est un chef-d'œuvre des années 2010 de Paul McCartney. On va entendre juste après le générique. Je vous donne rendez-vous alors la semaine prochaine, je crois, hein, le 18. Il me semble qu'il n'y a pas de problème, ce sera peut-être la dernière avant l'année prochaine. Oui, puisque le 25, il n'y en aura pas, et le 1er non plus. Donc... à la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Merci aux fidèles, aux piliers qui étaient là. On s'est créé un petit groupe sur Messenger de façon à pouvoir parler. C'était original et très très sympa parce que Facebook était en panne. Et bon, à très bientôt. Salut. today.